dessus prit leur en dessous. Monsieur du dessous loucha dessus. La dame du dessus ôta ses dessous. Monsieur du dessous sans par-dessus. Et tout à coup, prenant les devants, sans plus s'attarder en arrière, il entraîna sur le divan, en éteignant toutes les lumières. La dame du dessus, son dessus-dessous, ne semblait pas être déçue. Et finalement, le monsieur du dessous devint l'amant de la dame du dessus. Voilà l'histoire sans dessous-dessous, sous-dessous, de la dame du dessus et du monsieur du dessous. Elle dépensa tout son magot, car elle était coquette, et lui son bras dans le pernaut pour oublier ses dettes. La dame du dessus voulait en dessous, pour tous les sous qu'elle se mettait dessus. C'est ridicule, car bon matin qu'il était sous, monsieur du dessous lui tomba dessus. Et dans un geste théâtral, il la jeta par la fenêtre. Ah, c'était son droit, mais c'est brutal, il faut quand même le reconnaître. La dame du dessus, une fois en dessous, ne voulut plus remonter au-dessus. Maintenant c'est elle qui vit en dessous, et le gars du dessous qui vit au-dessus. Et ça finit son dessus-dessous, dessous-dessous. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Vous faites trop plus de bon ménage, plus d'issue. Oh non, c'est pas possible. Dissous, j'ai plus que 17 votes, faut que vous me faites tromper. Et ça valait pas un sou de plus. Oh non, c'est pas possible, allez, je recommence tout maintenant. Ah non, allons. Nous étions à Carpentras, on va y rester. Oh, il n'était pas fait pour aller à l'école, hein. Dommage pour la pâtisserie Martichon de Carpentras, tenue par ses parents. Non, non, non, non. Christophe Mahé est un grand rêveur. Ah non, il ne fabriquera pas de Saint-Honoré, lui. C'est quelqu'un qui est rempli de convictions dans n'importe quel domaine que ce soit. Et il embarque les gens avec lui. On le veut, le bonheur. Oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit, le bonheur. Non, il ne fait pas de bruit. C'est con, le bonheur. Ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où, le bonheur, Christophe Mahé? Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien. J'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors, je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, et il est là. Le bonheur, il est là, il est là. En France, on manquait jusque-là d'une artiste qui puisse exprimer à la fois le besoin d'émancipation féminine et un grand souffle romantique. Bon, l'éternelle recherche d'un amour absolu et la modernité. Alma Forer incarne à merveille cette créature-là. L'année du loup, Alma Forer.

sur des paroles de Pierre Delanoë, Dors mon amour, André Claveau. Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprendra. Dors mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Dors mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour avec tous les refrains de la nuit. Ma princesse endormie, je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Dors mon amour, ma princesse endormie dans sa tour. J'aperçois le sourire du matin, voici le soleil de demain, le grand soleil de l'amour éternel. Bon, vous avez bien noté, c'est la première victoire de la France au concours Eurovision, et c'était en 1958, interprété par André Claveau. Et maintenant, une réflexion sur la vie et sa finalité. Alors, un titre qui aborde avec poésie le crépuscule de la vie. Quelles que soient nos vies, leurs traversées, leur contenu, la seule certitude que l'on peut avoir est qu'elles prendront fin un jour. L'important, c'est la façon dont on remplit sa vie. Celle-ci sera belle si elle contient beaucoup d'amour. Si la vie avance, le boulevard des airs. Le temps filé, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, elle se termine un jour.